le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ce sont sans doute les mots les plus difficiles à trouver, les mots de la rupture, quand l'amour a pris fin et qu'il faut se séparer. Les grandes figures de notre histoire ont été confrontées à ce moment tragique. Héloïse et Abélard, Louis XIV et Madame de Lavallière, Napoléon et Joséphine, Alfred de Musset, Georges Sand, Aristote Onassis et Maria Callas, ou encore Charles et Diana. Que se sont-ils dit? Que dire pour une rupture? Plusieurs voies sont possibles. Hypocrite, je t'aime trop pour rester avec toi. Tortueux, je suis tellement proche de toi, notre complicité me laisse penser qu'il vaut mieux qu'on reste amis. Blessé, tu m'as trahi, toi et tes amis, vous vous êtes amusé de moi, ce que vous avez fait me dégoûte, tu m'écœures. Escamoteur, je te quitte, mais c'est pour ton bien. Cruel, je retrouve enfin ma liberté, ou alors tout simplement, je pars, c'est fini. Comment se dire adieu et comment réagir à une rupture? Car l'amour et la rupture ne se trouvent pas hors du temps. L'histoire nous aide à décrypter nos sentiments. Pendant toute la semaine, le cours de l'histoire avait l'humeur médiévale. Vous pouvez réécouter toutes ces émissions en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien les podcaster. Et aujourd'hui, c'est l'actualité de l'histoire avec une actualité de publication où il est question de rupture, les revers de l'amour, une histoire de la rupture. C'est aux Presses universitaires de France, un ouvrage de Sabine Melchior-Bonnet. Bonjour Sabine Melchior-Bonnet. Bonjour. Merci, bienvenue, merci d'être parmi nous. Vous avez travaillé au Collège de France auprès des professeurs Jean Delumeau, Daniel Roche, Alain Corbin notamment, qui n'est pas au Collège de France, mais Alain Corbin aussi. Et vous allez nous parler de ces revers de l'amour. Et en deuxième partie d'émission, nous allons parler de l'actualité de la recherche sur l'histoire de la guerre d'Algérie et notamment de cette question « Où en sommes-nous de l'ouverture des archives ?» avec Tramor Kemener. Bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes historien spécialiste de la guerre d'Algérie et chargé de cours à l'Université Paris 8, membre du conseil d'orientation du Musée national d'histoire de l'immigration. Et vous venez, c'est vrai qu'il y a deux actualités, hein. Il y a la publication des actes d'un colloque, Mémoire de la guerre d'Algérie. C'était un colloque en 2019 et notamment sur cette question de la place des archives. Et aujourd'hui, hein, il y a une journée d'études à l'Assemblée nationale, un an après la déclaration d'Emmanuel Macron sur Maurice Audin. Donc, quelle vérité, quelle justice aussi pour les disparus d'Algérie. Et en fin d'émission, nous allons retrouver Anaïs Quien. Anaïs Quien pour son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons parler rupture, rupture amoureuse, avec un module réalisé par Thomas Josque qui a su unir des grandes ruptures, des ruptures de notre patrimoine cinématographique. Je t'en prie, ne fais pas ça. Tu ne veux pas vraiment. Oh. Et puis en fin de compte, si tu veux rompre, pourquoi attendre la fin de l'été, hein? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Change your heart. Hein? Calme-toi. Vas-y. Dépêche-toi. Look around you. Ce matin encore, on était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui sèment l'amour tant. Alors, hein? Félix, joyeux Noël, Félix. Change your heart. Si vous partez, où vais-je aller? Que vais-je devenir? Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis. Pourquoi faites-vous cela? C'est qu'il n'y a pas que Émilie, et il y a une autre femme. Une femme que j'adore. Et j'ai bien peur que sur ces instances, je doive vous abandonner. Ce n'est pas ma faute. C'est fini, là. Je casse, voilà. Je veux plus sortir avec toi. Julie, j'ai toujours su que tu étais trop bien pour moi. J'en suis désormais certain. Je ne suis pas à la hauteur de tes sentiments. J'aurais aimé te dire tout cela en face, mais j'ai un déjeuner et te respecte trop pour te quitter par texto. Je t'imagine en train de lire cette lettre, ça me déchire le cœur. Je ne mérite pas ton pardon. Tu seras le plus beau souvenir de ma vie. Tu l'es déjà. Je suis cinglée maintenant parce que je ne t'aime plus. C'est ça, j'ai bon? Non, faux! Tu n'as rien d'une cinglée. Et je sais que tu m'aimes encore. C'est ce que je me tue à te démontrer. Mais tu te trompes, Franck. C'est de la haine que j'ai. Tu n'es qu'un inconnu qui m'a fait rire à une surprise partie. Et maintenant, je ne peux plus te sentir. Je ne t'appellerai plus. Et je... Je serai plus dans ta vie. Je ne t'aime pas. C'est fini entre nous. J'en ai ras-le-cul de toute cette merde. I need your loving. Night sunshine. Merci Thomas Joss pour ce mix de rupture où l'on trouve des extraits de films N'oublie jamais, Le Père Noël est une ordure, autant en emporte le vent, Les liaisons dangereuses, Comment je me suis disputé, Ma vie sexuelle, Jamais le premier soir, Les noces rebelles, Scarface, le tout sur une musique de Beck, Everybody's gonna learn sometime. Quelque chose de très beau, toute cette rupture, Sabine Melchior-Bonnet, ces ruptures sont omniprésentes dans nos vies, parce que avant d'être historien, nous sommes des humains, nous vivons ces choses-là pour nous-mêmes ou pour nos proches, et puis omniprésent dans l'histoire, bien sûr. Alors là, vous vous attaquez à un objet qui transcende les temps, qui transcende les espaces. J'en ajouterais bien une ou deux tout de même au scénario, en particulier un enquêteur américain qui a expliqué que les hommes rompent avec leurs épouses généralement quand ils rentrent de vacances, quand ils sont en voiture, qu'ils ne peuvent pas décoller les yeux de la route et ils en profitent pour, comme ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils conduisent, voilà, ils en profitent pour rompre avec leur femme. Et ça a été raconté dans un essai de Marcel Cohen qui s'appelle Détail, et c'est assez jubilatoire. D'accord, vous nous donnez des astuces pour rompre. Voilà. Donc en voiture, c'est pratique, comme ça on n'a pas besoin de regarder la personne et dans les yeux. Et aujourd'hui, ça se termine, porte-toi bien ou prends soin de toi. Voilà, c'est la rupture moderne. Mais... Alors, la rupture ancienne, je pense que... L'amour est à la fois un universel, mais il est façonné, fabriqué par les codes culturels, par les codes religieux, juridiques, et c'est pareil du coup pour la rupture. Je pense qu'on n'aime pas de la même façon au Moyen-Âge, vous me contredirez sûrement, qu'aujourd'hui, et on rompt pas de la même façon, et je pense que la blessure n'est pas du tout la même. Elle concerne beaucoup plus, comme les mariages sont généralement des mariages arrangés, la rupture concerne la famille, le frère, le père. Alors qu'aujourd'hui, où on est dans une époque d'individualisation forcenée, la rupture blesse vraiment dans le narcissisme le plus profond. Oui, vous touchez vraiment le cœur de votre objet d'étude, les revers de l'amour. C'est ça, il faut contextualiser, parce que pour comprendre la rupture, il faut comprendre l'amour, et l'amour n'est pas le même aux différents moments. Par exemple, si nous pensons au Moyen-Âge, on trouve l'amour courtois. L'amour courtois ne... Dans les livres. Dans les livres. Dans les poésies. Ben oui, mais c'est vrai que Héloïse et Abélard, c'est une figure majeure du couple qui se sépare. Qui se sépare, mais qui n'a duré que quelques mois. Et ils se séparent. Leur mode de séparation est pratiquement imposé par les institutions. On entre au couvent dans ces cas-là. Et c'est ce qui se passe dans... Je pense que Héloïse est une vraie victime de l'histoire. Et qu'elle a mis à la fois ses sentiments, mais aussi sa foi. Elle est devant le fait accompli. Donc, elle rentre au couvent, elle devient abbesse d'un couvent, et ça devient un amour, théoriquement, un amour mystique et spirituel. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, que le cœur ne soit pas très touché. Et ce sont les codes moraux qui, à ce moment-là, au Moyen-Âge, s'imposent, en fait. L'amour courtois est un amour inventé, un amour littéraire, c'est vrai. Mais les codes moraux, les codes sociaux dominent et la vie de couple, et donc la rupture. Oui, alors je pense qu'il y a à la fois un amour très idéalisé, qui est d'ailleurs que la religion chrétienne essaye de rendre plus concret, en faisant du mariage une volonté de chacun consentie. Et un amour qui est beaucoup plus charnel, beaucoup plus passionné, mais évidemment la passion a mauvaise presse, hein, c'est la folie. Donc il faut naviguer entre les deux, entre une vision très utopique ou idéaliste de l'amour, et au contraire une vision très brutale et très très charnelle. Alors entre les deux, l'amour courtois essaye de trouver une vision raisonnable, laïque, des sentiments qu'on peut se porter les uns aux autres. Ce qui est très difficile, parce que effectivement dans une société régie par la morale religieuse, il n'y a pas de rupture en soi, il ne peut pas y avoir de rupture. Oui, alors le mariage est un sacrement, ça deviendra un contrat civil à la Révolution, et donc effectivement on se marie jusqu'à la fin de sa vie. Donc, au moment... Alors, il y a tout de même des possibilités de séparation. Hein. On peut, quand il y a vraiment des causes de rupture, soit un adultère, soit parce que l'époux dilapide le foyer, on peut porter plainte devant un tribunal, qui est généralement, enfin jusqu'au 15e siècle, un tribunal ecclésiastique. Alors là, c'est très compliqué, il faut des témoins, il faut beaucoup de temps, il faut de l'argent, et ça, n'y ont accès pratiquement que les classes supérieures de la société. Au 18e, au 17, fin 17e, 18e, ça change un peu. Alors vous avez raison de souligner ce moment, ce tournant 17e, 18e, parce qu'il y a un autre rapport à l'amour. On va dire qu'il y a plus de galanterie, en tout cas telle qu'on le présente dans la littérature. Parce qu'il faut bien évoquer l'accès que vous avez à ces informations qui passent par les sources. Et c'est l'exemple notamment des précieuses ridicules de Molière en 1659. Viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières, et ce sont des règles dont en bonne galanterie on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour en faisant le contrat du mariage et prendre justement le roman par la queue. Encore un con, mon père. Il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Oui, j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. J'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait, les précieuses ridicules de Molière il y a 360 ans. C'était un rapport à l'amour particulier et donc à la rupture également particulier. C'est quoi cette galanterie? Alors, je pense que la galanterie, elle est ambivalente. Il y a un côté qui est très utile pour les relations humaines, c'est-à-dire que c'est freiner les pulsions, l'agressivité, c'est de permettre un jeu amoureux où les hommes et les femmes retrouvent une forme d'égalité, même si en réalité les hommes dominent toujours la situation. Mais je trouve que là on prend Molière et c'est les précieuses ridicules, mais les précieuses ont tout de même essayé d'apporter un projet de société dans lequel il y aurait beaucoup plus d'égalité. D'abord, elles demandent que les femmes soient instruites, ce qui leur permettra de mettre une distance plus sûre avec les sentiments. Ensuite, elles réclament des hommes un peu de courtoisie, de galanterie. Et alors elles sont très critiquées parce qu'on considère que c'est une échappatoire à la vie sexuelle. Mais en fait, je pense qu'il y avait vraiment un projet de société qui était dans une élite, évidemment, qui pouvait pas, une élite bourgeoise, mais qui ne pouvait pas se propager si facilement. Le temps n'est pas le même, effectivement, selon les catégories sociales. Oui. Et pour les gens du peuple, ça va beaucoup plus lentement que pour ces élites. Mais en vérité, ces élites, là, nous étions au XVIIe siècle, subissent encore les codes moraux. Au-delà de la littérature et du théâtre avec Molière, il y a la pression morale avant tout. Et pour la rupture, pour une femme, par exemple, il n'est pas pensable de se séparer de son mari. C'est pas faisable, à moins d'avoir un bon prétexte. Oui, enfin, il y a des crimes passionnels aussi, partout, à toutes les époques. Oui, ce qui m'a intéressé, c'est La Rochefoucauld. Parce que La Rochefoucauld a beaucoup de maximes sur les femmes. Et lui-même a vécu une passion tout de même avec Madame de Longueville, dans laquelle il se lance à la fois par stratégie, parce que c'est la famille des Condés, donc il veut se hisser dans la vie sociale, enfin dans l'aristocratie. Il veut surtout un tabouret pour sa femme, pour la duchesse. On sent à la fois qu'il est quand même, on sent qu'il est amoureux. Et quand elle rompt, enfin, c'est une rupture qui n'est pas nommée. Simplement, ils ne se voient plus, ils habitent pas au même endroit. Elle se lance dans la vie politique. Et on sent que c'est du dépit. Est-ce que c'est de l'amour, le dépit? Est-ce que c'est une rupture? Et le dépit amoureux m'a semblé quelque chose de très important. C'est l'amour propre qui est en cause. Alors, est-ce que c'est encore l'amour, comme nous l'entendons aujourd'hui, qui est quand même le don de soi, ou voilà? C'est vraiment la question clé, hein, Sabine Melchior-Bonnet. Quand vous étudiez les revers de l'amour, c'est de savoir ce qu'est l'amour pour comprendre la rupture. Et vous parlez de La Rochefoucauld dans ses Maximes, qui disait « Il y a des gens qui n'auraient jamais étaient amoureux s'ils avaient entendu parler de l'amour. » Au moins comme ça, c'est très vécu, c'est, le début, hein, c'est son expérience. Parce que Segret dit de lui, oui, il ne connaît l'amour que dans les romans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la construction que l'on peut faire de l'amour et de la rupture pour les contemporains, hein, pour les gens eux-mêmes, c'est elle qui la perçoivent autour d'eux. C'est ça. On construit, c'est une construction mentale, comment faut-il rompre et comment faut-il vivre. Mais face à ça, il y a du vrai sentiment. C'est difficile à atteindre le sentiment, en fait. Comment pas par les sources. Comment vous y touchez? Alors là, par exemple, pour les maximes de La Rochefoucauld, en regardant la biographie de l'homme, ses aventures, et puis vous confrontez ça à ses textes, vous trouvez des passerelles. Mais c'est difficile d'avoir... C'est le problème de l'historien du sensible, toucher à la source. Oui. Alors, à partir du XVIIe, on a tout de même des lettres, on a des mémoires. Les femmes commencent à écrire des mémoires. Et là, il y a vraiment un matériau qui est plus aisé. Avant, on a d'abord les archives judiciaires pour les séparations qui se font, ce qu'on appelle des séparations de lit et de table, ce que nous appelons aujourd'hui des séparations de corps. Donc là, on a quand même, il y a eu des études par région. Alors on sait que par exemple, on connaît à peu près ce qui se passe en Bourgogne, dans le Lyonnais, entre le 17e et le 18e. Et on s'aperçoit que petit à petit, l'appel aux tribunaux civils se généralise. Les classes moyennes et même les classes les plus modestes peuvent passer par des tribunaux. Mais cette séparation de lit et de table ne permet pas de se remarier. Donc les femmes très souvent obtiennent la séparation, mais elles peuvent pas vivre seules, donc elles vont dans des couvents qui sont comme des hôtelleries. C'est plus difficile. Alors, je pense qu'aussi un des vrais problèmes qui se pose tout le temps et encore aujourd'hui, c'est l'indépendance économique des femmes. C'est-à-dire que même si elles ont le droit de vivre comme elles l'entendent, elles n'ont pas forcément les moyens de le faire financiers. Oui, cette question sociale est au cœur du sensible aussi. Et puis, vous évoquiez cette question des sources et la joie de l'historienne du sensible que vous êtes, Sabine Melchiorre-Bonnet, c'est de trouver la source rare. Et nous allons écouter une lettre. Alors, c'est très beau parce que Rose Delaunay, baronne de Staël, c'est magnifique parce que là, vous avez des lettres de rupture. Quoi que vous en puissiez dire... Et quoi que je puisse faire pour me tromper moi-même, vous êtes prodigieusement changée. J'ai commencé à m'en apercevoir depuis votre retour. Enfin, vous n'êtes pas le même. Vous ne tenez plus à moi que parce que vous vous souvenez d'y avoir tenu. Toutes vos démarches tendent à vous en séparer. Que n'en convenez-vous de bonne foi? Croyez-vous que je veuille vous retenir malgré vous? Ne vous ai-je pas toujours dit que quelque engagement que vous puissiez prendre avec moi, vous en seriez toujours le maître et que je ne voudrais jamais rien devoir qu'à vos propres sentiments? Mais s'ils sont de l'espèce commune, variable, sujet au changement, je perdrai moins que je ne croyais en vous perdant. Ah, si votre confiance ne s'est pas trouvée à l'épreuve de quelques mois d'absence, que n'aurais-je point à craindre dans le cours de ma vie? Je veux pourtant connaître plus nettement la disposition de votre âme. Adieu. Je vous souhaite autant de satisfaction que j'ai de peine. Je ne puis vous souhaiter un bonheur plus complet. Adieu, je vous souhaite autant de satisfaction que j'ai de peine. Ouïouïouï, c'est Rose Delaunay qui écrit au chevalier de Ménil le 12 juin 1720. Qui sont ces gens? C'est exceptionnel cette correspondance que vous avez. 1720, n'est-ce pas? On pourrait croire que c'est un texte aujourd'hui. Alors, c'est une idylle qui se noue à la Bastille. Elle était la femme de chambre, c'est-à-dire la secrétaire de la duchesse du Maine. Et elle a, au moment où de la mort de Louis XIV, elle a été envoyée à la Bastille, en même temps en prison pour la première fois, avec l'inquiétude que ça suppose d'être enfermée là. Elle est très myope, elle voit rien, il y a à peu près pas de lumière dans les cellules. Et son voisin de prison est ce chevalier de Ménil. Il commence par échanger des billets avec l'autorisation du gouverneur de la Bastille. Et petit à petit, ça monte. Et puis le gouverneur accepte qu'ils se rencontrent. Donc il y a vraiment une idylle qui dure à peu près 6 mois. Et évidemment, comme ils ne se connaissent pas, l'imagination doit travailler encore plus. Et il est délivré avant elle. Il part, donc 2 mois avant. Et elle reçoit plus de messages malgré l'intervention de Maison Rouge qui est le gouverneur. Et quand elle-même est libérée, elle s'attend à ce qu'il se retrouve. Et c'est une remarque qui est vraie pour beaucoup d'hommes. Il s'esquive. Il n'y a pas de rupture réellement, si vous voulez. Il part. Enfin, il ajourne les rendez-vous. Ça se fait toujours avec un tiers d'ailleurs, parce que les rendez-vous d'un homme et d'une femme seuls, ça ne se fait pas. Donc elle sent petit à petit et elle va prendre les devants, ce qui est souvent le cas, parce qu'elle sent qu'il craque. Il y a une différence de rupture entre l'homme et la femme. Je donc, trouve. Dans la manière. Oui, je l'entends bien parce que ce 18e est intéressant. Ce 18e, c'est celui des Lumières, c'est celui de Rousseau et le projet rousseauiste, vous le mobilisez pour expliquer la rupture. Oui, parce que... En fait, le mariage de raison qui continue, qui va continuer tout au long du 19e siècle, qui sont des échanges de patrimoine, commence à avoir du plomb dans l'aile, si je puis dire. Et les sentiments, l'intime, prend sa place. Pour Rousseau, c'est le cœur qui doit guider les sens, et pas l'inverse. Donc, petit à petit, le mariage d'amour rentre, il n'est pas encore du tout réalisé, hein, ça reste les parents qui décident. Mais on sent qu'il évolue, qu'on commence à croire à l'amour. Ah, c'est beau ça, on commence à croire à l'amour au XVIIIe siècle. Oui, mais voilà, dans l'histoire de ces relations et de la rupture, il y a un moment, j'ai envie de dire, majeur avec l'institution qui arrive, et c'est le divorce. À la Révolution. Alors là, oui, c'est un épisode très court. Très court, même. Alors, mais bon. Effectivement, il y a eu plusieurs milliers de divorces entre 92 et 95. Puis après, Napoléon, réduit les raisons de divorcer. Et puis, il sera totalement supprimé sous la Restauration. Donc, c'est un épisode très court. La loi sur le divorce sera prononcée en 1884. Mais c'est encore mal vu. Donc, avant que ça ne rentre vraiment dans les mœurs, il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle. Encore une fois, parce que les femmes n'ont pas d'indépendance économique. C'est un des grands éléments. Oui, c'est quand vous étudiez cette histoire de la rupture, on voit bien qu'il y a un avant et un après le divorce, dans le sens où avant le divorce, c'est dur de divorcer parce que ça n'existe pas, c'est la séparation. Après, il y a une séparation possible et la chose est appréhendée d'une autre manière. Mais est-ce qu'on peut dire que le mariage d'amour, le divorce douloureux, tout ça qui deviennent des poncifs, ce sont des choses qu'on retrouve dans la littérature, sont des sources d'inspiration hein, pour tous ceux qui écrivent. Et puis après, on le sait bien, le cinéma s'en empare énormément. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que tout ça évolue en même temps que la réalité de ce que peuvent vivre les gens? Oui, je pense qu'il y a toujours un va-et-vient entre l'imaginaire et le réel. Je pense que l'un influence l'autre et l'autre influence le premier. Et bon, pour le 19e siècle, il y a beaucoup de romans, de pièces sur l'adultère, qui est l'endroit où se cache ou se vit l'amour, mais ça n'a qu'un temps. Et le mariage reste un mariage de raison. Puis petit à petit, la vie sexuelle se transforme et elle s'unit à la vie conjugale. Donc il y a une rencontre à la fois des rêves, des envies et du réel qui se fait plutôt au XXe siècle. Oui, c'est ça, c'est le XXe siècle. Alors, bien sûr, la douleur de la séparation est toujours là, quel que soit le temps. C'est vrai que cette douleur est essentielle dans votre analyse, Sabine Melchior-Bonnet. Oui, mais alors, la douleur, elle devient beaucoup plus lourde et aiguë à partir du moment où l'individualisation est quelque chose d'obligatoire. Et ça, et la sexualité, les deux notes qui vont transformer tout de même le regard sur le sentiment de la rupture. Le sentiment de la rupture qui est un sentiment compliqué. La souffrance de la rupture. Et c'est vrai qu'on comprend très très bien que à partir du moment où l'amour est possible dans le couple, la rupture est d'autant plus douloureuse. À partir du moment où la famille n'a plus rien à voir là-dedans et que ce sont deux individus qui s'unissent, la rupture est encore plus douloureuse. Et nous arrivons à ce moment-là au parangon de ce qu'est la rupture avec Jacques Brel. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Jacques Brel, ne me quitte pas, oui. L'ultime de la rupture, mais c'est-à-dire qu'on est arrivé là, à la deuxième moitié du XXe siècle, au moment où la rupture n'est que douleur, la rupture est souffrance. C'est ça désormais, c'est cette nouvelle rupture. D'où le succès des psychothérapeutes. Eh oui, bien vu. D'où le succès des psychothérapeutes. Et avec vraiment une évolution. Alors, c'est ainsi que vous l'étudiez, vous, Sabine Melchior-Bonnet, liée à la sexualité. Et vous avez évidemment un regard sur notre monde d'aujourd'hui après avoir analysé sur le temps long ce qu'est la rupture. Et vous dites qu'aujourd'hui, tous les codes sont faussés. Et même la rupture ne se conçoit plus du tout de la même manière. Oui, c'est parce qu'un couple réussi, c'est un couple dont la sexualité est heureuse, ce qui est une notion qui n'existe pas de cette façon-là au XXe siècle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très très important dans la vie du couple. Avec la possibilité du divorce, on s'engage. Moi, pour moi, amour, c'est amour pour toujours. Hein, et en fait, aujourd'hui, c'est pas forcément ça. On fait des expériences. Et on s'engage, je ne sais pas jusqu'à quel point on s'engage, c'est difficile de promettre qu'on sera le même dans 20 ans. Mais je pense que la rupture aussi, du coup, comme l'amour se relâche, la rupture laisse une possibilité de renaître autrement tout de même. On reprend une part de soi qu'on a abandonnée dans la vie de couple. Le couple d'aujourd'hui, c'est à la fois la liberté et l'engagement, ce qui est très difficile à conjuguer ensemble. Et quand l'engagement est défait, eh ben on retrouve une forme de liberté, mais je pense quand même que je continue à penser que les femmes sont plus victimes que les hommes de la rue quand il y a des... Pourquoi ? Parce que les hommes, d'abord, ils sont faits pour la vie, depuis toujours, traditionnellement, ils sont dans la vie extérieure, ils ont un métier, une profession, et ça compte énormément dans leur existence. Pour les femmes, ça peut devenir comme ça, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Une vie réussie, c'est quand même une vie amoureuse, accomplie. Et donc, elle souffre davantage. En plus, je pense qu'il y a une horloge biologique qui fait qu'un homme peut fonder une famille à 60 ans, pas une femme. C'est quand même très important dans le renouveau qu'on peut attendre après une rupture. Et puis, c'est vrai que certains poids sociaux qui pèsent encore sur les femmes, même s'ils ont disparu soi-disant tels qu'on les présente, dans la réalité, ils sont toujours là. C'est ça, une femme seule, il lui manque quelque chose. On s'interroge, disons. On ne s'inquiète pas, mais on s'interroge. Oui. En tout cas, c'est vrai que ce sont des sujets qui font polémique, qui peuvent faire polémique, mais une femme seule est complètement indépendante et c'est une femme libérée et c'est très très bien d'une certaine vision, mais dans la réalité, vous voulez dire concret du moment, il y a un regard parfois porté par la société qui est un peu dur et c'est ce regard qu'il faudrait faire évoluer. Le regard de la société, puis peut-être que quelque chose tout de même de ressenti profondément, enfin je pense quand même que l'amour est un des paramètres les plus importants de l'existence. Et voilà, encore une fois, l'horloge biologique ne facilite pas l'expérience des femmes. Enfin, moi, je retiens que jusqu'à 40 ans, parfait, mais après 50 ans, ça devient plus difficile. C'est différent, mais je retiens ce que vous venez de dire, Sabine Melchior-Bonnet, que l'amour est un paramètre essentiel de l'existence. C'est bien. Vive l'amour, mettons de l'amour un peu partout, les revers de l'amour. Une histoire de la rupture, c'est aux Presses universitaires de France. Et nous allons continuer dans l'actualité de l'histoire avec, c'est étonnant, mais c'est la programmation qui est ainsi, une autre forme de rupture, elle est complètement différente. Bien sûr, nous allons parler des archives de la guerre d'Algérie. Où en sommes-nous de l'ouverture des archives de la guerre d'Algérie ? Une pluie folle, folle, folle. Sous une pluie folle, folle, folle. La silhouette rentre enfin. La silhouette rentre enfin. Sous une pluie folle, folle, folle. Avisant une personne. Bertrand Belin sur France Culture qui chante Folle dans le cours de l'histoire. Une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Pascal Baudin. Nous continuons à réfléchir sur l'actualité de l'histoire autour de cette rupture avec vous, Trémor Kemener, chargé de cours à l'Université Paris 8, membre du conseil d'orientation du Musée National d'Histoire de l'Immigration. Et vous venez nous parler des archives de l'Algérie au moment où il y a énormément d'actualités. Hein. Donc il y a les actes du colloque qui paraissent. C'était un colloque sur les archives de l'Algérie. Oui, tout à fait. Il y en a un deuxième qui va sortir d'ailleurs aussi, qui a été un colloque qui s'est déroulé au printemps dernier, donc avec l'espace parisien Histoire, Mémoire, Guerre d'Algérie, avec des historiens comme Benjamin Stora, Guy Pervillier, Jean-Charles Geoffrey, Jean-Jacques Jordi, Marius Loris, moi-même, donc pour prendre un panel et une partie des historiens, donc qui sortira donc cet automne-là. Et puis, il y a un colloque, vous en parliez tout à l'heure également, aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, sur la question des disparitions pendant la guerre d'Algérie aussi. Notamment voilà. Autour de la personnalité de Maurice Audin, donc militant communiste, mort. Je ne sais pas quel mot utiliser, j'allais dire assassiné, mais c'est assassiné, ça. Assassiné, oui, tout à fait, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a toujours un mystère, et ce mystère est lié aux archives notamment. Et alors, dans les autres actualités, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, ça fourmille de partout autour de l'actualité, notamment dans les parutions. Hein. Il y a un numéro d'Historia, le magazine Historia, sur l'aventure coloniale française. Tout à fait. Et il y a également un documentaire, Trémor Kemener, qui va passer sur France 5. Oui, voilà. Ouais. Donc, dans quelques semaines maintenant, ce sera donc un documentaire en deux volets sur Algérie, la guerre des appelés, donc réalisé par Thierry Lestrade et Sylvie Gillemand, et donc avec moi-même comme conseiller historique, et en reprenant un petit peu donc un certain nombre de parcours d'appelés de la guerre d'Algérie pour essayer de voir un peu aussi, de manière sensible, un petit peu tous ces parcours, tous ces vécus, comment les appelés ont-ils vécu et traversé ces événements? Mais justement, il faut revenir sur ces événements qui ne sont pas si loin et qui sont encore portés pour beaucoup dans la mémoire ou dans la chair. Et pour cela, nous allons faire un petit tour à l'Élysée, mais le 10 novembre 1959, quand le général de Gaulle prenait la parole. Je dis à tous les Algériens, de toutes les communautés, de toutes les tendances, de toutes les idées, vous pouvez, vous devez participer à cette transformation qui va faire de l'Algérie un pays d'hommes libres, dignes, fiers, prospères. Si une page a été tournée par le grand vent de l'histoire, eh bien, il vous appartient d'en écrire une autre. Trêve de vaines nostalgies, de vaines amertumes, de vaines angoisses. Prenez l'avenir comme il se présente et prenez-le corps à corps, plus que jamais. En novembre 1959, donc en pleine guerre d'Algérie, nous sommes évidemment avant l'indépendance, le général de Gaulle le dit clairement, mais oublions le passé et regardons l'avenir. Et pourtant, la question des archives est déjà sur le tapis, les archives sont produites à ce moment-là. Il y a déjà, au moment de la guerre d'Algérie, une réflexion sur les archives. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on cache? Ça a été vraiment aussi une question qui s'est réglée à la fin 61-62, avec des archives qui ont été rapatriées en urgence, certaines, moi je dirais même beaucoup, qui sont restées présentes là-bas, et donc avec encore aujourd'hui des personnes qui, pour prouver le lieu de naissance, refaire des actes civils, sont obligées d'écrire en Algérie. Donc il y a toujours ces liens qui existent, et donc avec des archives qui ont disparu, voilà, notamment de la région constantinoise par exemple. Donc il y a eu beaucoup de pertes. Une des images qui me reste marquante et dont je parle un petit peu aux étudiants aussi, c'est il y a une image sur le 13 mai 58 où on voit la prise du gouvernement général, et donc on voit en fait les manifestants qui prennent le gouvernement général, et qui en fait on voit plein de papiers qui sont jetés par les fenêtres. On voit les feuilles volées, voilà, depuis le balcon. Et donc en fait ce sont les archives qui du coup ont disparu, sont manquantes, et faisaient partie de ces archives du gouvernement général. Voilà, donc il y a eu un certain nombre de pertes, des destructions avec évidemment l'OAS également, et puis certains membres de l'armée qui ont fait disparaître aussi des documents qui pouvaient être compromettants. Alors la question de l'ouverture des archives concerne évidemment celles qui sont là, et la question que j'ai envie de vous poser, Tramore Kemner, c'est quelles sont ces archives? Qu'est-ce qu'on a comme archives de la guerre d'Algérie? Alors le problème quand on travaille sur une histoire ancienne, on va dire, c'est le problème de la question des sources et parfois le manque de sources. Le problème en histoire contemporaine, c'est au contraire le foisonnement des sources. Et là, on s'aperçoit effectivement que heureusement, avec depuis maintenant donc 50 ans après et plus de 50 ans après, donc les archives sont ouvertes, même des archives qui étaient globalement sensibles, on va dire, qui pouvaient porter atteinte à la sûreté de l'État, notamment, ou à la vie privée de certaines personnes. Et donc, on a vraiment matière, énormément. On a des archives militaires, on a des archives évidemment nationales aussi. Il y a des archives, on commence difficilement avec les archives judiciaires. Donc c'est encore tout un pan qui est à défricher. Certains commencent, notamment un jeune historien qui s'appelle Marius Loris, par exemple, qui a réussi à obtenir aussi. Moi-même, en montant, j'avais travaillé beaucoup uniquement sur dérogation, en fait, pour pouvoir atteindre ces archives personnelles un petit peu, ces parcours individuels de personnes qui avaient été condamnées pendant la guerre d'Algérie. Et voilà, les archives diplomatiques également, c'est très intéressant. Et après, maintenant, on va commencer à toucher également de plus en plus, et ça c'est tout un pan que j'aime beaucoup travailler, qui sont les archives personnelles, où on rentre dans une histoire personnelle, justement, intime, avec, pourquoi pas, ces questions aussi de rupture. Voilà, même si en vous écoutant, je pensais, pourtant j'ai touché beaucoup de lettres d'appelés de la guerre d'Algérie, et j'ai beaucoup utilisé et étudié ces lettres-là. Par contre, jamais aucun ne m'a montré de lettres de rupture. Donc, comme quoi, c'est encore, ça fait partie des choses un peu difficiles de cette histoire-là. Sabine Melchior-Bonnet, effectivement, dans l'histoire des ruptures, il y a aussi la rupture imposée par la guerre, par les situations difficiles. J'ai eu deux frères qui ont été appelés pendant la guerre d'Algérie, et j'ai des lettres, je peux vous fournir des lettres d'eux à l'époque qui sont assez terrifiantes. Mais c'est vrai que les parapluies de Cherbourg, c'est cette histoire d'amour impossible à cause de la guerre d'Algérie. C'est en cela que c'est très compliqué, cette mémoire de la guerre d'Algérie, ces archives de la guerre d'Algérie, dans le sens où il y a encore une mémoire portée par des hommes, par des femmes, et cette mémoire-là, parfois, elle est chantée. C'était le cas avec Serge Lama. Un beau jour, je raconterai l'histoire à mes petits-enfants du voyage où notre seule gloire c'était d'avoir 20 ans. En Algérie, avec ou sans fusil, ça reste un beau pays, l'Algérie. Un beau jour, je raconterai l'histoire à mes petits-enfants de ce voyage où notre seule gloire était d'avoir 20 ans. C'est une chanson de Serge Lama. Cette mémoire privée, cette mémoire construit des archives privées qu'il est difficile de collecter. Tramore Kemner, il y a un souci de collecte autour de ces archives privées de la guerre d'Algérie, comme on peut le voir pour la Première Guerre mondiale, notamment des appels au fond. Ça se fait également pour la guerre d'Algérie. Ça y est, on est en train de lancer, là, je fais partie d'un groupe piloté notamment par Raphaël Branche avec Lina, Arte, où on commence à collecter justement des témoignages de personnes qui ont participé à la guerre d'Algérie, de quelles que soient les catégories en fait. Et donc avec un certain nombre de films qui sont réalisés, donc on filme les personnes sur des durées qui se tournent autour de 2 heures pour chaque entretien, donc parfois plus. On lance ces programmes-là, mais c'est vrai que on sait que c'est maintenant, ce sont les derniers temps où on peut avoir des témoignages. On a malheureusement également des personnes qui disparaissent, évidemment, dont on voudrait avoir des témoignages. témoignages et malheureusement ce n'est plus possible pour des raisons tout simplement de décès, de perte de mémoire également. Donc, c'est un peu une course contre la montre, mais il faut s'y jeter. C'est vraiment absolument essentiel et c'est parfois compliqué également de pouvoir monter ces projets-là parce que ça demande évidemment des moyens, mais on sent parfois des réticences également à des freins à vraiment monter ces projets. On ne le dira jamais assez, mais c'est vrai que pour tous les gens qui après un décès, trouve dans le grenier énormément de documents, au lieu de les jeter, de les brûler ou de les vendre dans un vide-grenier, il y a des archives départementales partout qui accueillent ces documents et qui servent après aux historiens à essayer de comprendre l'histoire. Et c'est vrai que c'est très simple, les archives départementales, on trouve le numéro partout dans son département et on dépose sans aucun problème. Mais pour ces archives de la guerre d'Algérie, les archives produites par l'institution, il y a encore des mystères, c'est-à-dire que l'historien, en regardant un petit peu, se dit « mais ici, il y a peut-être encore des choses cachées, il y a encore des tiraillements ». Oui, bien sûr. Il y a encore des dossiers qui sont pas complets. Il y a des dossiers qui sont pas ouverts, qui sont très compliqués à obtenir. Donc il y a parfois aussi une absence d'archives. Hein. Donc sur certaines choses, il n'y a plus rien et on ne saura pas sur les questions, par exemple, de Maurice Audin. On en parlait tout à l'heure. Donc il y aura de toute façon un vide d'archives exprès parce que les ordres ont été passer de vive voix et il n'y aura pas de traces. Mais Maurice Audin, voilà. En l'occurrence, donc communiste, qui a été assassiné. C'est vrai que sa veuve est en recherche mais d'explication, mais pas seulement elle. On va dire que vu que ça fait partie de l'histoire, c'est la nation qui a besoin d'explications. Et là, il est possible qu'il n'y ait pas d'archives. Oui, tout à fait. En tout cas, sur certains points, on a le téléphone marchait à cette époque-là, donc certains ordres ont été passés. Il faut poursuivre évidemment cette recherche-là. Il y a encore beaucoup à chercher. À la rigueur, je dirais que à l'heure actuelle, on manque plutôt de tête et de bras pour vraiment exploiter tous ces fonds d'archives qui sont gigantesques. Et pour preuve également du manque de moyens, je signale par exemple que le centre des archives d'Aix-en-Provence, donc qui a été construit depuis les années 70, qui a récupéré toutes les archives du ministère des Colonies. Donc le ministère des Colonies n'existe plus, c'est un fonds qui est terminé. C'est un fonds clos, mais toutes les archives ne sont pas encore inventoriées. Donc on a une masse d'archives à exploiter encore. Et sur les questions, par exemple, de l'Algérie coloniale, c'est encore le cas. On a à creuser sur certaines administrations locales pour essayer de connaître ce qui s'est passé. Les camps d'internement, par exemple, des choses qui sont lourdes de sens sur toute cette, finalement, cette Algérie et ces colonies du bagne, en quelque sorte. Là, on a des pans entiers à défricher encore. Et puis, on peut passer la Méditerranée et se mettre du point de vue de l'Algérie, des Algériens, et de se poser la question, mais où sont nos archives, nos propres archives? C'est une vraie question aussi qui se pose. C'est une très lourde question diplomatique. Les Algériens réclament depuis longtemps au moins un accès qui est en train de se faire à leurs archives. Donc, il y a des programmes de scan des archives. Ils réclament une restitution de ces documents-là. Pour une partie d'entre eux et donc on a vraiment un rapport évidemment comme la guerre qui est asymétrique, c'est-à-dire que autant la France, pays constitué évidemment, a produit énormément d'archives au cours de cette période-là, autant pour les Algériens c'est évidemment compliqué. On était avec un Front de Libération Nationale qui était une organisation clandestine qui a produit des documents bien entendu, mais on n'est pas dans le même rapport. On a des appelés du contingent, par exemple, qui ont énormément pris de photos aussi, qui ont énormément écrit. Donc, il y a vraiment une masse de documentaires, là aussi, qui est très, très intéressante et sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler et publier aussi, d'ailleurs. Et au contraire, des Algériens qui étaient dans les maquis, qui ont peu écrit, qui ont peu pris de photos. Il y avait une unique photo éventuellement. Et donc, on a ce rapport inégal. Et aujourd'hui, on a un rapport qui est inégal également à l'accès à ces sources-là, puisque évidemment, en France, pays démocratique, nous avons un large accès comme aux sources, même si c'est incomplet. Par contre, en Algérie, évidemment, là, c'est complètement bloqué. Et donc, ça fait un rapport qui est aussi complètement tronqué, finalement, à l'accès aux sources. On ne peut pas écrire une histoire tant du côté français, d'ailleurs, que du côté algérien, en allant voir les différentes sources. Même les Algériens, quand ils écrivent leur histoire, sont obligés de prendre les sources finalement coloniales aussi. Ce qui est très compliqué, on comprend en vous écoutant, Tramore Kemner, combien la question des archives sur l'Algérie est essentielle pour écrire une histoire de l'Algérie coloniale ou de la guerre d'Algérie. On ne peut pas y échapper. Malgré tout, et pour finir, vous sentez qu'il y a une évolution, un progrès sur l'accès aux archives? Alors, je ne vous parle pas en Algérie particulièrement, mais en France, en tout cas, il y a une volonté du pouvoir d'ouvrir les archives? Oui. Ça a beaucoup évolué. Quand j'ai travaillé sur ma thèse au début des années 2000, je n'ai travaillé que sur dérogation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a encore des dérogations. On est encore obligé de demander des dérogations pour certains documents. Hein. Je ne le cache pas. On est arrivé quand même à des fonds d'archives qui sont assez largement ouverts quand même. Alors ça peut, donc il y a une petite partie qui est sous dérogation, il y a une petite partie qui est sous autorisation, donc c'est un cran en dessous de la dérogation, mais c'est un peu plus facile d'accès. Voilà, et après il y a encore toutes les archives qui sont à découvrir, c'est-à-dire toutes ces archives personnelles-là, et il faudrait, tout à l'heure je l'ai pas mentionné, mais il y a également toutes les institutions internationales, les archives de l'ONU, les archives d'autres pays qui sont également à consulter pour pouvoir contribuer à élaborer complètement cette histoire. Bon, il y a du boulot, Tramore Kemner, et c'est tant mieux pour les historiens. Mais vous savez, il y a une chose pour laquelle nous n'avons pas besoin de dérogation, c'est le journal de l'histoire d'Anaïs Kien. Comment trouver une situation à la ligne de gestation? La situation que vous occupez conditionne votre niveau de vie. Le 1 a dit nous il est. Oh, ça m'énerve, machin. Avec la parenthèse. La réussite sur le plan du travail se répercutera dans tous les autres domaines de votre existence et vous parviendrez à une plénitude qui fera de vous un autre homme. Bonjour, Anna Iskia. Bonjour, bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Nous venons d'entendre un extrait de l'émission « Les femmes aussi » d'Eliane Victor qui fleure bon les années 60, hein, oui quand même, pour parler du travail des femmes à l'occasion du lancement du Tour de France de l'entrepreneuriat féminin. Et oui Xavier, les clichés ont la vie dure en ce qui concerne le travail des femmes, donc réaffirmons-le une nouvelle fois, les femmes ont toujours travaillé. Mais la plupart du temps, elles ont travaillé gratuitement, et oui. Ce qui pour beaucoup revient à ne pas travailler. Au début du 19e siècle, les femmes sont en majorité agricultrices, comme la plupart des hommes, mais elles sont aussi commerçantes, patronnes d'industrie, domestiques et ouvrières. Sylvie Schweitzer, dans « Les femmes ont toujours travaillé », paru en 2002, pointe les méthodes statistiques qui rendent invisible le travail féminin. Mariées, elles ne sont pas considérées comme actives. Toujours au 19e siècle, les recensements classent le plus souvent une agricultrice ou une commerçante dans les catégories sans profession ou ménagère. Jusqu'aux années 80 encore, les catégories de l'INSEE n'enregistrent qu'un seul chef d'exploitation. Les femmes d'agriculteurs étaient classées dans la catégorie des aides familiales, des forces de travail secondaires et fantomatiques. Fantomatiques, oui. Alors les femmes qui dirigent les entreprises de longue date apparaissent aussi dans les archives, mais c'est difficile, c'est très difficile, c'est douloureux pour l'historien et l'historienne qui part à la recherche de la femme patronne, toujours difficile à trouver. Et oui, le douloureux problème des chiffres. Les entreprises sont tenues conjointement par le couple quand elles ne sont pas entièrement dirigées par la femme, mais elles sont déclarées au nom du mari. Lorsqu'elles déclarent leur entreprise, en leur nom propre, elles sont bien souvent veuves ou divorcées. Dans son ouvrage Melting Shops, Claire Zalk a croisé les chiffres du registre du commerce et des déclarations de profession dans les recensements pour débusquer les entrepreneuses étrangères des années 20 et 30. Les femmes sont encore une fois masquées dans l'équation du travail conjugal, à l'exception de certains cas spécifiques où l'immatriculation de l'entreprise par la femme constitue un avantage. Claire Zalk cite l'exemple de Marie Laurent, épouse Castaglio, née en France et devenue espagnole par son mariage. C'est elle qui déclare l'épicerie conjugale au bon coin à Bondy. Ici, c'est la contrainte qui permet au travail féminin d'apparaître, puisque la loi interdit depuis 1915 aux étrangers résidant depuis moins de 5 ans sur le territoire national de posséder un établissement vendant des boissons alcoolisées. La stratégie de contournement fait apparaître la patronne au détour des exigences administratives. Oui, être chef d'entreprise n'est pas toujours synonyme d'émancipation. On le voit bien, les chefs d'entreprise, les femmes chefs d'entreprise, ne trouvent pas toujours l'émancipation. L'indépendance a un prix, paradoxalement. Elle rime avec une plus grande dépendance vis-à-vis du conjoint. Et la promiscuité du rôle professionnel et familial favorise une activité sans reconnaissance, voire sans rémunération. Le mélange des genres, la relation maritale et professionnelle, c'est un risque à prendre. Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine, mais ce sont aussi les journées du matrimoine. L'association Oser le féminisme organise les journées du matrimoine pour mettre en valeur les femmes qui ont marqué l'histoire. Les rues de Marseille seront renommées pour l'occasion, avec des noms de femmes toujours minoritaires dans ce panthéon urbain. C'est peut-être l'occasion aussi de renommer les devantures de magasins et des entreprises qui ont pignon sur rue. Merci beaucoup Anaïs Quien pour ce journal de l'histoire. Sabine Melchior-Bonnet, vous avez étudié les ruptures, donc les femmes, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Nous venons d'entendre ce que vient de dire Anaïs Quien sur ces femmes patronnes qui sont absolument introuvables. C'est vrai que étudier la rupture, c'est aussi une question du genre. C'est une question du genre. Vous vous retrouvez dans ce qu'a dit Anaïs sur ces femmes invisibles, difficiles à trouver. Qui n'ont même pas le droit de signer un chèque au 19e. Elles n'ont jusqu'en pas 1965. Elles n'ont pas le droit de tester. Enfin, elles sont évidemment, leur vie à part extérieure est nulle. Ce qui est impressionnant toujours dans cette question des femmes, c'est que cela fonctionne pour l'ensemble des sujets que l'on peut étudier. Tramor Kemner, vous avez travaillé sur les appelés en Algérie. Évidemment, il n'y a pas de femmes appelées en l'occurrence. Il peut y avoir chez les militaires. Mais la question des femmes liées à la guerre d'Algérie est énorme. On peut penser aux militantes du côté algérien, du FLN. Mais il y a en France, au-delà du cliché de la fiancée éplorée, des femmes complètement concernées. Elles sont prises en compte, ces femmes Ça commence. Il y a eu des études, il y a eu une thèse qui est sortie aussi sur les porteuses de valises, justement, et sur les femmes qui ont aidé d'un point de vue anticolonialiste. Et c'est vrai que de ce côté-là, on a aussi, justement, un engagement qui est plus fort, finalement. C'est-à-dire que les appelés étant en Algérie, pour eux, c'était évidemment très compliqué. Les femmes voyaient ça, évidemment, depuis la métropole, pouvait avoir des relations et en même temps, donc c'était parfois des relations de rupture, des relations d'amour et parfois des relations d'engagement également. Nous resterons sur l'amour. Merci beaucoup Tramor Kemener, merci beaucoup Sabine Melchior-Bonnet, merci Anaïs. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès et Camille André. Merci. Vous pouvez réécouter toutes ces émissions sur le site franceculture.fr, le cours de l'histoire, ou les podcaster la semaine prochaine. Alors attention, la semaine prochaine, un thème magique de l'Antiquité au monde contemporain. Mais que faire de nos vieux ? Grosse question, que faire de nos vieux ?